J'ai envie de te voir. Je pense à toi. On se voit ce soir, toi et moi. Ça me fait tellement plaisir d'être avec toi. Rien qu'avec toi. Well, why not? I don't know if you want to stay tonight, but I already told you I have to come back. And maybe you could put it for another day if you want. I don't know. Because I don't know if you want to stay tonight, but I already told you I had to come back. Dans chalet de vie, des dédicaces cherchées, des nidées parées pour lever. Des larmes qui affolent, un cas chambé, un cas délaissé. Des pouces allées qui ca touché, cabouillé, parées pour lever. Devant ta soupe.